Et pour les diplômes, on kiffe les ados. On les trouve rigolos, on est très patients. Même quand ils sont bien chiants, on a du talent. C'est nous les surveillants, on est bien à bordel. En classe, c'est pas le bordel. Je ne sais pas des quand j'étais ado de notre temps. Crise hormonale, acné sur le visage. Refus de l'autorité, mais ils vont pas tout casser. On est jeunes et beaux. Et pour les diplômes, on kiffe les ados. On les trouve rigolos, on est très patients. Même quand ils sont bien chiants, on a du talent. C'est nous les surveillants, je suis pion. Dans un très beau bâtiment, je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir. Je suis pion dans un très beau bâtiment. Je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir. Ils aiment se la péter, nous ça nous fait marrer. On se dit que ça va leur passer, les mecs sont obsédés. Les filles ultra maquillées, génération télé, aux neurones fatigués. En pleine force de l'âge, ils ont leur propre langage. Parfois tiré par les cheveux et parfois même pas très soigneux. Ils nous inventent des mots qui existent même pas dans les icônes. Nous on s'en contrefou, ce qui nous plaît c'est leur bagou. On est jeunes et beaux, et bourrés de diplômes. On kiffe les ados, on les trouve rigolos. On est très patients, même quand ils sont bien chiants. On a du talent, c'est nous les surveillants. Je suis pion dans un très beau bâtiment, je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir. Je suis pion dans un très beau bâtiment. Je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir. Au fond que nous les pions on est des cons, mais on leur en veut pas. On sait bien que c'est de leur âge et dans quelques années ils vont venir nous remercier de les avoir conseillés et parfois même réconfortés. On est à leur écoute, on ouvre bien grand les escourdes, on règle les problèmes avec tact et savoir-faire. C'est toujours nous qu'on a raison, le chef puissu c'est nous les pions. On a du talent, c'est nous les surveillants. On est jeunes et beaux et bourrés de diplômes, on kiffe les ados. On les trouve rigolos, on est très patients, même quand ils sont bien chiants. On a du talent, c'est nous les surveillants. Je suis pion dans un très beau bâtiment, je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir. Je suis pion dans un très beau bâtiment, je suis surveillant de grands adolescents. Je suis pas flic, pas trop strict et pas sadique. J'impose des règles aux gosses pour leur avenir.